Et je vais parler parce que franchement, écrire là, ça casse les couilles, quoi. C'est trop long. Bah, c'est quoi que tu veux savoir attends, envoie ma mail. Cette adresse où tu n'as rien à foutre, peu importe. Je t'envoie mon fichier RIP, tu prends, tu l'ouvres et tu modifies tes paramètres ou ce que tu veux. Ouais, mais bon. Le cordon MIDI ne sert à rien si t'as pas la carte de son qui la prend et le bordel qui va avec, quoi. Ta batterie, je sais pas. C'est quoi, un clavier? Putain, ben, j'utilise ton micro depuis tout à l'heure, tu parles et là tu types, c'est con. J'ai foutu le cordon dans le trou. Ouais. J'ai mis le cordon dans le trou. Ouais. J'ai appuyé sur le bouton, ça marche pas. Quel bouton? Bon, attends. Je prends ton adresse. Ah, mais tu fais. Comment dire? T'es sur un clavier MIDI ou t'es sur une batterie électronique, pardon? Alors. Non, mais je déconne, attends. Alors, batterie électronique. Roland. Putain, c'est bon ça. TD 6. Ouais. Et t'as une carte son qui prend le MIDI. TD 6V. Avec un. Avec une V-Drum. C'est pas simple le MIDI au départ, mais quand t'as compris comment ça fonctionne, c'est bon. Je voulais brancher EZ Drummer. Utilise Superior Drummer. Pourquoi faut que je parle dans le mic? Je parle dans le micro, Philippe. Attends, je suis en train d'essayer. Superior Drummer 2.0, c'est pas mal, c'est ce que j'utilise. On m'a dit qu'il y avait moins de latence après. Non, si tu utilises Roland, utilise ton Roland. Le cerveau Roland est bon. Alors je vais vous dire, je peux rien utiliser du tout parce que Adopi, mon cul. Et avec les Roland, t'as pas besoin de MIDI. Tu utilises la sortie de ton Roland et tu fais entrer en line-in parce que t'as déjà un bon son. Quand t'as un mauvais son, une batterie électronique avec un son pourri dans le cerveau, là tu utilises les logiciels, donc du coup tu passes par le MIDI. Mais si ton son il est bon, t'as pas besoin de MIDI. Qu'est-ce que tu t'en branles? Ah. Ouais, le son est pas mal, mais je voulais juste tester, quoi. Ouais, mais t'auras pas mieux, crois-moi. En matière de cerveau, interface MIDI au niveau son, t'auras pas mieux que les sons Roland. Le cerveau du... Écoute, ça coûte la peau du cul, ce truc. Ça vaut 3000 balles, bon, une bonne mail. Batterie. J'ai dû t'envoyer le mail, tu vois. Ouais, ça y est. Comme ça, t'as le mien.